The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Party. La soirée. To believe. Croire. Already. Déjà. To invite. Inviter. To feel. Sentir. To play. Jouer. To pour. Servir. Drink. Le verre. Guitar. La guitare. Chilled. Frais. Now, a bit faster. To invite. Inviter. To believe. Croire. To invite. Inviter. To play. Jouer. Drink. Le verre. Party. La soirée. To believe. Croire. To invite. Inviter. To pour. Servir. To feel. Sentir. Already. Déjà. Party. La soirée. To feel. Sentir. Party. La soirée. Drink. Le verre. To feel. Sentir. To invite. Inviter. Party. La soirée. Drink. Le verre. To play. Jouer. Now, use the words in context. La soirée. I invited him to the party. Je l'ai invité à la soirée. Croire. I told him, but he didn't believe me. Je lui ai dit, mais il ne m'a pas cru. Déjà. You already arrived. Tu es déjà arrivé? Invité. I invited him to my wedding. Je l'ai invité à mon mariage. Le verre. He asked me nicely if he could get me a drink. Il m'a gentiment demandé s'il pouvait me servir un verre. Croire. I told him, but he didn't believe me. Je lui ai dit, mais il ne m'a pas cru. Le verre. He asked me nicely if he could get me a drink. Il m'a gentiment demandé s'il pouvait me servir un verre.